Au réveil, j'étais convaincu d'une nouvelle alliance, de la Terre avec son modèle futur, signe divin d'une lumière cachée qui se réverbère dans l'oméga azurien de ses yeux. Je crois, très sincèrement, que Dieu m'avait confié à moi, Maurice Gourdeau-Montagne, conseiller diplomatique du président, le soin de renouveler la vie après que la mort eut livré le corps de l'ancienne alliance à la corruption. Bien que sommet du Léviathan, donner une forme concrète au songe, réaliser l'entrelacement délicat des fils d'or à cet être rêvé, demeurait une tâche difficile et d'une longueur inouïe. Mais je ne laissais place au doute, car la possibilité d'insuffler la vie à cet être si complexe me procurait une joie indicible. Les matériaux que j'avais à ma disposition étaient suffisants, mais la petitesse de ces parties constituait un obstacle. Je résolus de lui donner une stature gigantesque.